la bonne tonalité. J'ai pas la bonne tonalité de ce truc de merde. Bon, on arrête les conneries. Allez, salut JP. Range ton orgue. Salut Charlie. Salut Charlie. On a fait assez de boucan et de bordel comme ça. Mais quand même une belle bande de glandes.